Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin. Assisté de Jacqueline Levenbruck, cette émission est diffusée en direct lundi 15 août 2011 de 18h à 21h, en différé mardi 16 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Jacqueline, merci Benoît. Je dis bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent en direct. Dans cette belle journée du 15 août 2011, semaine B du cycle de nos émissions. Et je dis bonjour à ceux qui nous écouteront demain à partir de 9h pour la seconde partie de ce libre journal. Et je dis bonne nuit à ceux qui, noctambules, insomniaques ou travailleurs de la nuit, nous écouteront à partir de 3h30 du matin. Eh bien, sans transition, ou presque sans transition, Jacqueline, nous parlons de sujets bien différents de la théologie, des sommets théologiques que nous avons grimpés tout à l'heure avec l'abbé Guillaume de Tannouarn à propos de la place de la Sainte Vierge dans la foi chrétienne. Maintenant, on descend. Nous allons parler de sujets très terre-à-terre et très graves quand même. C'est le problème noir en Occident. Notre sujet, pour lequel j'ai invité Laurent Arthur Duplessis, journaliste, écrivain, c'est donc les émeutes raciales en Angleterre et le problème noir en Occident que pose selon moi en tout cas, et peut-être selon Laurent Arthur Duplessis, nous allons le savoir dans une seconde, ces émeutes raciales. Alors, Laurent Arthur Duplessis, je vous pose d'emblée la question, peut-on dire que les émeutes très graves que l'Angleterre a connues sont dues à des considérations sociales, des considérations psychologiques quelconques, ou bien sont-ce des émeutes raciales ? Eh bien, je pense qu'effectivement, ce sont des émeutes raciales que je comparerais volontiers à celles qui ont agité les États-Unis dans les années 60. Et elle, ce caractère racial peut être parfois quelque peu masqué par certains autres aspects, mais je crois qu'effectivement, le ressort est d'abord et avant tout racial, et il est aussi multiculturaliste, c'est-à-dire qu'il y a un croisement des deux. Oui, et, oui. Et c'est effectivement tout à fait inquiétant, parce qu'en effet, on voit en Europe arriver de plus en plus des émeutes raciales de type américain, liées à l'exportation par les États-Unis, si je puis dire, de leur modèle communautariste. Et la France s'en connaît déjà depuis longtemps. Et l'Angleterre nous a étonnés par le fait qu'il y a eu une flambée à très grande échelle concernant plusieurs grandes villes. Et là, il me semble qu'il y a un tournant dans l'histoire sociale européenne, il y a un tournant, car ça a pris, ces émeutes, un caractère de quasi-guerre civile. Oui, alors pratiquement tous les émeutiers sont noirs. Il faut faire attention aux images qu'on montre à la télévision. La télévision ment souvent, ment beaucoup. Et je me souviens par exemple du Bobard d'or qui avait été donné par Paul Emia. Ah, je crois que c'était Pujadas, parce qu'il avait utilisé des images de manifestations au Nicaragua pour parler de la révolution verte et des manifestations en Iran. Voilà. Et donc on peut toujours soupçonner évidemment la télévision de trucage, ou en tout cas d'avoir glissé quelques photos de blanc pour faire croire que ce n'était pas purement racial. Mais je crois qu'il n'y a guère de doute. Le journal qui a le mieux parlé de ces émeutes, qui en a parlé avec le moins d'hypocrisie, c'est Minute. Ces minutes, dans son numéro du 10 août, qui est encore, je pense, dans les kiosques, sous la plume de Lionel Imbert, dit ceci. La vérité a été tranquillement affirmée par Catherine Birbal Singh, une intellectuelle britannique d'origine indienne, dans le Télégraphe de lundi. Citation. Ce matin, j'ai entendu parler des émeutes à la radio puis à la télévision. Après, j'ai lu des articles sur Internet. Et rien, nul n'osait dire l'indicible, que les émeutiers étaient tous noirs ou pratiquement. Lorsque j'ai vu la première photo publiée de Mark Dugan, Mark Dugan, c'est le noir qui a été abattu par la police et qui était donc un trafiquant de drogue et le membre d'une bande de criminels jamaïcains. Lorsque j'ai vu la première photo publiée de Mark Dugan, j'ai compris ce qu'instinctivement j'avais deviné la veille. Des Noirs ont encore mis Londres à feu et à sang. Fin de citation. Voilà, donc il y a le point, puisque vous êtes journaliste, moi j'aimerais bien qu'avant d'avancer, nous insistions sur le point que nous sommes constamment, en France et en Angleterre, dans tout le monde occidental, victimes d'un décervelage permanent de la plupart des médias, sauf à Radio Courtoisie, où on ne peut pas dire les choses telles qu'elles sont, dans leur vérité. Les émeutes sont raciales, ce sont des Noirs qui s'en prennent non seulement d'ailleurs aux Blancs, mais aussi aux autres minorités ethniques, en l'occurrence, et notamment les Indiens ou Pakistanais. Et ce fait est systématiquement, moi j'ai lu des dizaines d'articles sur le sujet, comme vous, cher Laurent, Arthur Duplessis, et presque systématiquement, on éprouve le besoin de nous dire « oui, non, mais c'est multiethnique, etc. » Comment expliquez-vous que la presse soit aussi obstinée dans le mensonge et la désinformation ? Au passage, plaidoyer pro domo, chers auditeurs de Radio Courtoisie, c'est une raison de plus que vous avez d'aider votre radio, qui est la seule, c'est la radio, le seul médium audiovisuel. Dans la presse écrite, il y a minute, il y a présent, mais dans la presse audiovisuelle, il n'y a que nous, il n'y a que Radio Courtoisie, donc il faut que vous nous aidiez à dire la vérité, ou au moins à permettre que la vérité soit dite. Nous ne pouvons aussi dire des erreurs, bien entendu, mais la seule différence, c'est que nous n'avons pas vocation, par principe, pour parler politiquement correct, à dire systématiquement des mensonges sur des sujets comme celui-là. L'horreur, Arthur Duplessis. Alors, plusieurs facteurs se conjuguent. Il y a, comme vous savez, cet appareil législatif totalement oppressif qui fait que la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris est toujours en attente comme le minotaure de ses proies, et les proies étant les journalistes qui auraient transgressé le grand tabou. Alors ça, c'est... Ils en rajoutent, ils vont bien au-delà de ce qui est... La preuve, c'est que nous aussi, à Radio Courtoisie, nous sommes soumis à la loi et nous ne pouvons pas nous permettre, si tant est que nous en avions l'intention, mais notre intention n'est nullement d'attiser la haine raciale. Nous aimons tous les hommes et nous voulons la paix et la prospérité de tous. Donc la question n'est pas là. Mais il y a bien autre chose. Mais il est vrai aussi que l'appareil législatif contemporain introduit le délit d'intention, le procès d'intention dans ces dispositifs. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que le recrutement de la profession de journaliste est à 94% de gauche. Et la gauche, par, je dirais, presque prédétermination, ne veut pas prendre en considération les paramètres ratios de la vie en société. Et puis alors, il y a aussi, je crois, le fait que la structure, le fait que l'identité même des propriétaires des grands médias fait que ils préfèrent passer sous silence tout ce qui peut ressembler à un clivage synonyme de différence, parce que il y a cet esprit mondialiste et mercantile qui fait que on veut arraisonner tous les marchés de la planète. Et donc, on veut un discours nivelant les identités, nivelant les différences. Les grands médias sont la propriété de patrons du CAC 40, pour dire les choses clairement. Et ces patrons du CAC 40 ne veulent absolument pas entendre parler de discours identitaires ou de discours faisant mention de l'appartenance raciale. Et ça, il me semble que c'est un élément clé. Alors je crois qu'il faut à Radio Courtoisie, justement, c'est notre mission d'être les éveilleurs de conscience et de dire la vérité quand personne ne l'a dit. Il faut insister sur le fait que ces émeutes sont raciales et que ce sont des émeutes noires, que ce sont des Noirs qui se révoltent contre la société, contre... Voilà. Et c'est vrai en Grande-Bretagne et en France, en 2005, nous avons eu des émeutes ethniques qui n'étaient pas raciales à proprement parler, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'émeutiers qui étaient des Maghrébins. Et donc, la composante maghrébine musulmane était très, très importante. Là, c'est, je dirais, le problème noir à l'état pur, parce que les immigrés qui pillent, qui brûlent, sont de race noire, sont des Jamaïcains en général, donc ils viennent des Antilles. Ils sont de culture chrétienne, j'allais dire qu'ils étaient chrétiens, mais évidemment leurs actes ne témoignent pas de la qualité de leur vie chrétienne et de leur charité chrétienne. Mais ce sont des gens qui viennent d'une société chrétienne et christianisée, dont la langue est sinon de l'anglais, du moins du créole anglais, la langue maternelle. Et par conséquent, ce n'est pas l'islam qui est en cause, d'aucune manière. D'ailleurs, il faut bien reconnaître qu'en 2005, ce n'est pas non plus vraiment l'islam qui était en cause. Ça pouvait être des populations islamisées, mais lorsque les musulmans intervenaient, c'était plutôt pour... Enfin, je veux dire, les musulmans, les cadis ou les mollahs intervenaient, c'était plutôt pour pacifier les choses que pour exciter les émeutiers. Non, là, on a affaire à des contre-sociétés qui sont, l'article de Minute l'explique très bien, encadrées par des bandes raciales, des bandes criminelles, car le nommé Dugan, qui a été tué par la police, qui était suivi par la police, est un membre important, était un chef d'un démembrement d'une bande de Tottenham, quartier multiracial et donc multiraciste du nord de Londres. Et... on dit, alors ça c'est une des interrogations qu'on peut avoir, que les émeutes sont dues largement à l'action, et peut-être principalement à l'action de ces bandes criminelles, qui veulent chasser la police de leur territoire. Il y a donc une opération de territorialisation. En France, si nous avons moins d'émeutes, c'est parce que la police a abandonné certains quartiers, qui sont passés sous la maîtrise, sous la domination de ces bandes, qui sont peut-être moins dangereuses et moins organisées que les bandes de Jamaïcains de Londres, mais qui existent aussi. Laurent Arthaud-Duplessis. Oui, tout à fait. Et justement, c'est extrêmement intéressant de voir comment ce phénomène éclate dans la Grande-Bretagne communautariste, et je dirais très libérale. Et il est extrêmement intéressant de voir les réactions de Cameron, le Premier ministre, qui a l'air de découvrir tout ça avec effarement. Enfin, il a commencé à découvrir ça assez récemment, puisqu'il avait pris des positions très, très contraires à cela, contre Gordon Brown notamment. Et en fait, le 5 février dernier, Cameron avait prononcé à Munich un discours où il mettait en cause, alors non pas certes, il n'en est pas là, la diversité raciale de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, mais il mettait au moins en cause le multiculturalisme. Et il en instruisait le procès avec des termes extrêmement énergiques, et c'était tout à fait surprenant de sa part, parce qu'il n'avait absolument pas cette position auparavant. Et il est probable que Cameron perçoit la colère qui monte dans la population anglaise de souche, et notamment dans les classes moyennes anglaises, aussi les classes populaires. Et il essaye évidemment de se mettre un peu au diapason de cette opinion publique anglaise qui évolue très très rapidement et qui notamment a commencé à évoluer après l'attentat de 2005 dans le métro de Londres, où l'étonnement a été grand de voir que des jeunes qui, à leur eux, n'étaient absolument pas issus de milieux pauvres, c'était des jeunes extrêmement éduqués et diplômés, que ces jeunes-là avaient commis un attentat aussi horrible. Et là... Là, il s'agit de musulmans fanatiques. Il s'agissait de musulmans fanatiques. Mais ça avait enfoncé un coin dans les convictions de la société anglaise. Jusque-là, la société anglaise croyait en son modèle traditionnel de communautarisme et de cohabitation heureuse à l'ombre de Sa Majesté. Et depuis 2005, cette croyance s'est effondrée dans l'opinion publique anglaise. Et là, les émeutes récentes, je pense, ont porté un coup fatal à cette croyance dans l'opinion publique anglaise, qui donc est en évolution rapide actuellement. Alors, je voudrais rappeler que ce qui se passe en Angleterre avait été prévu. Et quand je lis dans le Parisien du 10 août l'imprévisible révolte des jeunes Anglais, enfin, j'ai envie de sauter au plafond, parce que cette révolte n'était pas imprévisible, et en fait, de jeunes Anglais, il s'agit de jeunes immigrés anglais, de jeunes immigrés en Angleterre, qui sont peut-être anglais de nationalité, mais qui n'ont pas été assimilés, et qui ne se considèrent pas comme faisant partie d'une communauté nationale, comme les Anglais de souche. C'est tout le problème de l'assimilation qui est posé, car s'ils s'en prennent avec cette haine aux autres, ce n'est pas simplement pour piller, c'est parce qu'ils haïssent ceux qui ne sont pas comme eux, ceux qui ne sont pas dans leur communauté. Je parle bien entendu des émeutiers. Et sur ce point, je voudrais appeler l'attention des auditeurs de Radio Courtoisie sur le fait qu'il y a plus grave que l'émeute, plus grave que les crimes qui sont commis par les émeutiers. Il y a le soutien qui est apporté par une population entière à ces émeutiers qui les justifient. C'est ce qu'il voit très bien dans les commentaires des journaux. On va interroger quelqu'un dans la rue à Tottenham, et il vous dit « c'est normal, la police a tué Dugan ». Dugan, c'était un criminel. Et ça arrive très souvent en France aussi. Dans un quartier ethnique, la population se soulève, y compris les femmes, pour protester contre la mort d'une crapule tuée par la police. Pas d'un innocent, pas d'un gentil garçon qui aurait été tué par les vilains policiers. Non, d'une crapule tuée par la police à l'issue d'une course-poursuite, par exemple. Bon. Là, Mark Dugan était suivi par le Scotland Yard, la police britannique. Ils l'ont abattu après que, paraît-il, il eut cherché à tirer sur eux. En tout cas, on a retrouvé un texto où il demandait à ses amis de tirer sur les policiers. Bien. Donc, il méritait ce qui lui est arrivé. Bon. Et on a vraiment affaire à une dissidence raciale manifeste, qui est donc un échec retentissant de la politique ou des politiques d'immigration et d'intégration des immigrés. Alors, je reviens à Enoch Powell. Enoch Powell, qui était Enoch Powell, c'était un député conservateur de très grande classe et qui a eu le courage de dire la vérité à Birmingham, ou après Londres, il y a maintenant ces émeutes raciales. Et il faut lire ce grand discours de Birmingham d'Enoch Powell du 20 avril 1968, dans quelques jours avant que les Français s'amusent à faire leur mai 68. Il avait une carrière toute tracée. Il serait devenu Premier ministre à la place de Madame Thatcher, car il était extraordinairement brillant. Il était trop brillant d'ailleurs, parce que c'était un professeur d'université éminent latiniste et hellénisant. Et à la fin de son discours, il a cité Virgile et l'Énéide. Il a cité la Sibylle qui voit le Tibre comme un fleuve charriant du sang. Voilà. Et du coup, le Tibre tout écumant de sang. C'est une citation de l'Énéide de Virgile. Bien. Et du coup, pour le ridiculiser ou en faire un extrémiste, les médias, les journalistes, pardonnez-moi parce que vous êtes journaliste, enfin les autres journalistes, pas vous, ont qualifié ce discours de « discours des fleuves de sang ». Ça n'était pas le discours des fleuves de sang. Les fleuves de sang, c'était la prophétie qu'il se risquait à faire à travers la Sibylle. Et malheureusement, les fleuves de sang sont en train de couler. Et il avait raison. Alors, il faut voir ce que dit Enoch Powell dans ce discours. Le texte de ce discours, vous le retrouverez, par exemple, avec le moteur de recherche sur le site de Voix des Français Renaissance 95. Et vous le trouverez in extenso dans une traduction que j'ai faite moi-même parce que je ne suis pas content des traductions que j'avais trouvées. Et donc, Enoch Powell commence par quelque chose de très choquant. Il dit qu'il a rencontré un électeur, un brave ouvrier, de sa circonscription, et qui est vraiment un Anglais moyen, et qui lui dit, donc ça se passe en 1968, « Si j'avais les moyens de partir, je ne resterais pas dans ce pays. » Alors à l'époque, les travaillistes étaient au pouvoir. Alors, naïvement, Enoch Powell, qui est conservateur, croit qu'il se plaint du gouvernement. Et il lui fait remarquer que le gouvernement travailliste ne veut pas durer éternellement, que les conservateurs vont finir par reprendre le pouvoir. Mais il n'écoute pas. Le député, il dit « J'ai 3 enfants. Ils ont tous achevé leurs études secondaires. 2 d'entre eux sont maintenant mariés avec des enfants, mais je ne serai heureux que lorsque je les aurai tous vus s'installer à l'étranger. » Dans le pays, dans 15 à 20 ans, les Noirs auront le dessus sur les Blancs. Et Enoch Powell, donc que je viens de citer, ajoute « J'entends déjà les cris d'orfraie. Comment puis-je dire une chose aussi horrible ?» Ma réponse est que je n'ai pas le droit de ne pas le faire. Voici dans ma propre ville un honnête concitoyen qui me dit à moi qu'il ne fera pas bon vivre dans son pays pour ses propres enfants. Je n'ai tout simplement pas le droit de hausser les épaules, dit Enoch Powell. Ce qu'il dit, des milliers, des centaines de milliers de gens le pensent et le disent. Peut-être pas dans tout le pays, mais partout où s'opère déjà une transformation si radicale qu'il n'en existe aucun autre exemple au cours des 1000 années de l'histoire d'Angleterre. Dans l'histoire de France non plus, ce que nous avons vécu en matière d'immigration depuis 50 ans n'a pas d'équivalent, contrairement à ce qu'on dit. N'a absolument pas d'équivalent. Et ce qui est grave, c'est que Enoch Powell a été diabolisé, comme Jean-Marie Le Pen après lui d'ailleurs, pour les mêmes raisons, que le RPR, devenu l'UMP, le Parti Socialiste, uni avec la classe médiatique, avec la superclasse mondiale aujourd'hui, n'ont cessé d'imposer l'antiracisme, qui est la version populaire de leur utopie cosmopolite, pour museler ceux qui disaient la vérité, et pour entraîner notre patrie et nos patries occidentales à la perdition. Laurent, oui, Arthur Duplessis. Tout à fait, je partage complètement cette analyse sur le rôle de l'oligarchie mondiale qui justement tient les grands médias. La superclasse mondiale. La superclasse mondiale qui tient les grands médias et qui impose ces analyses-là et qui explique le développement de cette censure. Ça pose tout le problème, ça, du financement des grands médias, de leur structure oligopolistique, et de l'absence de concurrence qu'il y a, justement, dans les médias. Ne laissons pas tomber Enoch Powell. J'ai découvert le discours... bien sûr, je connaissais comme vous Enoch Powell depuis longtemps, il était cité, mais toujours caricaturé, et j'ai découvert son discours il y a seulement 3 ans. Et je dois dire que j'étais consterné, parce que ça fait quand même un certain temps que je m'occupais d'immigration, mais tout a été dit en 1968 dans le discours d'Enoch Powell, par exemple. Il dit ceci. « Pour des raisons qui leur échappent, en vertu d'une décision prise à leur insu pour laquelle ils n'ont jamais été consultés, les membres de la population autochtone se retrouvent étrangers dans leur propre pays. » Étrangers dans leur propre pays. Et quand Jean-Yves Le Gallou a repris cette expression... dans la préférence nationale Réponse à l'immigration, le livre du Club de l'Horloge en 1985, je pensais que c'était une expression nouvelle. Et Jean-Yves Le Gallou l'a retrouvée toute seule. Mais en réalité, elle avait été dite en anglais auparavant par Enoch Powell. Les Français de souche, comme les Anglais de souche, qui vivent dans ces quartiers, se sentent devenir étrangers dans leur propre pays parce qu'ils subissent une politique qui est une politique suicidaire, ou plutôt qui était une politique de destruction délibérée de leur identité et de leur sécurité. Qu'en pensez-vous, Arthur Duplessis ? Oui, tout à fait. Et ce phénomène s'est répandu dans tous les pays européens entre-temps. Et on voit qu'il a engendré justement l'essor des droites dites populistes, qui sont tout de même principalement... Cet essor est principalement fondé sur le refus de cette situation-là, sur le refus de cette aliénation identitaire. Et il faut s'attendre, avec la crise économique dont nous voyons actuellement les développements, à ce que les tensions raciales s'avivent en Europe, parce que les États redistributeurs pourront de moins en moins offrir aux minorités dites visibles les subventions, les allocations familiales, etc., qui avait pour fonction essentielle d'essayer de réduire les tensions intercommunautaires et interraciales. Et je crois que l'on va assister dans les prochains mois et les prochaines années à une exacerbation de ces tensions, parce que le baume financier des États va être de plus en plus rare, à cause du surendettement et de la crise des États. Donc, il s'est installé en Europe un problème intercommunautaire et racial et calamiteux qui va probablement dégénérer, à mon sens, en guerre civile, en véritable conflit ethnique. En tout cas, l'occasion maintenant est donnée, et il faut le faire, c'est tout à fait important, de faire comprendre aux gens qui aiment la France du risque que la France court, du risque que court notre patrie, et qui n'est pas simplement lié à l'islam, à l'islamisation, mais à ce que j'appelle, enfin à ce qu'on appelle la mélanisation de l'Europe. Alors, qu'est-ce que c'est que la mélanisation de l'Europe ? La mélanisation, c'est un terme scientifique qui définit objectivement la croissance de la population de race noire dans une société qui était blanche à l'origine. C'est un phénomène qui peut résulter aussi bien de l'immigration, c'est d'ailleurs aujourd'hui le facteur essentiel, évidemment, de cette mélanisation de l'Europe, que d'un écart de natalité entre les Noirs et les Blancs. Et on ne parle que de l'islamisation de l'Europe, qui est un vrai sujet. Je ne vais surtout pas être accusé ou être soupçonné de diminuer ou de sous-estimer le danger que représente cette islamisation. Mais il ne faudrait pas pour autant qu'on oublie l'autre face du danger migratoire, qui est la mélanisation de l'Europe. Car l'immigration n'est un danger que lorsque elle ne peut pas aboutir à l'assimilation. La tradition républicaine, la tradition nationale d'ailleurs, pourquoi républicaine seulement, c'est que les immigrés qui viennent en France, les étrangers qui viennent en France, pays qui est accueillant, sont appelés à s'assimiler. Il faut qu'ils deviennent français, qu'ils intègrent la communauté nationale. Et c'est ce qui est arrivé pour les immigrés originaires d'Italie, d'Espagne, de Pologne, et ainsi de suite. Le problème, c'est que lorsqu'il y a une barrière culturelle, par exemple l'islam, une barrière totale, ou bien une barrière raciale, la race noire, qui est différente de la race blanche, eh bien, le fait est, l'expérience montre que l'assimilation ne se fait pas. Elle se fait pour des individus. Elle ne se fait pas pour des populations. C'est d'ailleurs pour cela, Laurent Arthur Duplessis, chère Jacqueline, que les dirigeants politiques et l'oligarchie culturelle et politique qui trahit les intérêts de la France a abandonné la notion d'assimilation qui est la seule notion républicaine pour employer un terme mensonger, factice, duplice, qui est intégration. Alors, on fait croire aux gens, ou les gens croient penser que intégration, ça veut dire assimilation, c'est-à-dire que à la longue, les gens qu'on va intégrer vont devenir comme les autres. Pas du tout. Intégration, ça veut dire, c'est une utopie, ça veut dire que, dans la mesure où ça a un sens, ça veut dire que les immigrés ne vont pas s'assimiler. Ils vont donc former des populations à part, des communautés à part, des communautés distinctes qui garderont leur identité. Et c'est ce que revendique, par exemple, aujourd'hui, le CRAN pour les Noirs. Oui. De même que nous avons un conseil culturel, un conseil du culte musulman, ce qui est d'ailleurs, entre parenthèses, une aberration, puisque l'islam n'est pas un culte, et nous avons aussi maintenant une association qui prétend être une coterie des Noirs, un groupe d'intérêt des Noirs en France, qui s'appelle le CRAN, Conseil représentatif des associations noires de France, et qui prétend représenter une communauté. Or, la nation refuse la division de la nation en communautés. La nation, l'unité nationale implique que les seules communautés qui soient légitimes sont, bien sûr, la communauté de base qui est la famille, et ensuite les communautés territoriales, la commune, autrefois c'était la paroisse, maintenant c'est la commune, la ville, le village, et puis la région, et c'est tout. Il ne peut pas y avoir de division légitime de la nation française en communautés hétérogènes sur une base, quelle qu'elle soit, religieuse, raciale, ethnique. Ce n'est pas acceptable. Oui, et alors justement, pour ce qui est de l'absence de métissage, de mélange, de métissage entre noir et blanc, il y a un fait historique que l'on remarque assez rarement et qui est le suivant, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, les croisements, et donc les croisements entre blanc et noir, se sont raréfiés considérablement après l'abolition de l'esclavage. L'essentiel de la fabrication, entre guillemets, de la population métisse aux États-Unis s'est fait pendant l'esclavage. Et lorsque l'esclavage a été aboli, eh bien, il n'y a quasiment presque plus de croisements. Et encore aujourd'hui, il y en a très très peu. C'est un paradoxe que c'est l'esclavage qui a croisé les races blanches et noires. Et ce phénomène-là s'est retrouvé assez largement, d'ailleurs, dans les territoires français qui pratiquaient l'esclavage. Et cela, donc, montre une chose, c'est qu'effectivement, les Blancs et les Noirs n'ont pas une vocation à se mélanger à grande échelle. Et cela explique aussi pourquoi, effectivement, les antagonismes restent aussi durables. Oui, je crois que nous avons au téléphone Philippe Millot. Non, pas encore. Bien, nous allons bientôt avoir au téléphone Philippe Millot. Et bon, j'ai beaucoup de messages. Commençons par les messages effectivement. Et oui. Donc, cher Laurent Arthur Duplessis, le premier donc message, vous allez noter les messages et vous répondrez à la fin. Alors, donc attention à ne pas lire de messages qui tomberaient sous le coup de la loi, chère Jacqueline. Oui, oui, oui. Non, le premier message, c'était Monsieur Duplessis pourrait-il nous parler de l'attaque imminente de l'Iran ? Bon, ça c'est un petit peu hors sujet. Non, il n'en parlera pas parce que c'est hors sujet. Voilà, mais je le dis quand même. Une auditrice, pardon Président, Radio Courtoisie est un média audio, mais n'est pas un média audiovisuel, à moins que vous anticipiez. Un auditeur, la défense identitaire en France est réservée aux immigrés et interdite aux Français. Une auditrice, durant les années 60, j'ai côtoyé différentes personnes de pays étrangers lors de manifs. Ils m'ont tous prédit ce qui se passe actuellement. Alors, M. Gourevitch me parle, c'est un auditeur, parle de 2,5 millions de Noirs en France, alors que M. Calixte Belaya, c'est une dame, Madame Calixte Belaya, je crois. Ah, Calixte Belaya, hein. D'accord, je ne connais pas. Nous parle de 8 millions. Comment expliquer cette différence ? Un auditeur, les émeutes de Grande-Bretagne ne sont-elles pas provoquées par la population blanche qui ne supporte plus le grand nombre de Noirs ? Les médias ne sont pas clairs quant aux auteurs de violence. Alors, pour M. Lesquin, une réflexion concernant les émeutes raciales en Grande-Bretagne. Il serait très instructif que les organes de presse, écrits ou Internet de notre mouvance fassent une étude pour comparer le nombre d'arrestations d'émeutiers en Grande-Bretagne, d'une part, et en France, d'autre part, après les émeutes de 2006. Ces mêmes organes de presse, Polémia, Français de souche présent, La Voix des Français, La Griffe, etc., feraient œuvre utile en faisant la compilation des messages Internet et des déclarations aux médias des émeutiers ethniques de Grande-Bretagne. Messages et déclarations revendiquant le caractère ethnique de ces émeutes et appelant ouvertement à la guerre raciale, notamment contre les policiers britanniques. Une fois de plus, l'utilité et l'efficacité des caméras de surveillance ont été confirmées lors de ces émeutes de Grande-Bretagne. Ces caméras ont permis, sinon d'éviter... Ce message est un peu long, il faudra l'écourter, s'il vous plaît. Oui, sinon d'éviter les destructions et agressions, du moins de mettre la main sur un grand nombre, sur un nombre non négligeable de dissidents. Non, pardon, je ne sais plus. De ces criminels. Bon. Alors j'arrête là, parce que c'est peut-être pas la peine de continuer. On ne peut espérer que quelque chose changera. Notre continent est condamné par trop d'immigration. Bon, il y a deux personnes qui avaient prévu ce qui arrive, Raymond Cartier et Alfred Sauvy. En 1962, Lucien Rebatté me disait « La prochaine guerre sera une guerre de race ». Voilà. Réponse aux questions. Alors j'ai au téléphone Philippe Milliot, je crois. Philippe Milliot ? Oui, bonjour. Bonsoir Philippe Milliot. Donc vous êtes membre du bureau exécutif du Bloc identitaire, mais vous avez fait une carrière à la fois dans l'entreprise et dans la politique, puisque vous avez fait 3 mandats de conseiller régional, dont un en qualité de président de la commission économie et emploi dans la région Île-de-France. Et je suppose que vous aviez l'étiquette Front National à l'époque. Allô ? C'est exact. C'est exact. Et je dois dire, alors là, je ne sais pas si vous devez vous inventer, mais vous êtes de la même promotion d'HEC que Dominique Strauss-Kahn. Écoutez. Alors on ne doit pas vous demander, pour l'anecdote et pour dérider un peu les auditeurs de Radio Courtoisie, s'il avait déjà à l'époque le tempérament plutôt agressif qu'on lui connaît, mais apparemment, donc vous l'avez connu, en tout cas vous l'avez croisé au moins à HEC. Je confirme tout à fait, il avait déjà du tempérament à la fois politique et sur le plan que nous connaissons, mais c'est une affaire effectivement un peu lointaine maintenant. Voilà, donc il n'était pas encore surnommé le chimpanzé en rut. Non. Comme Tristan Bannon l'a qualifié dans une émission de télévision en 2003 sur Paris Première. En revanche, c'était l'un des plus riches défenseurs de mai 68. Et c'était assez drôle de le voir porter les emblèmes de l'ultra-gauche à l'époque. Alors j'aimerais bien, puisque vous avez entendu les questions posées par les auditeurs de Radio Courtoisie, que vous commenciez, avant que je vous pose des questions à vous, enfin que je les pose moi, que vous répondiez à celles que vous avez notées et que vous participiez avec Laurent Arthur Duplessis à la réponse à ces questions. Philippe Milliot, je vous donne la parole en premier. Merci. Alors, d'abord, je voudrais saluer Laurent-Arthur Duplessis, et en particulier l'un de ses propos qui me semble extrêmement juste, c'est le lien qu'il a cru bon de faire entre la situation de crise de la dette, d'appauvrissement probable des sociétés dites développées, et par là même la conséquence sur ce qu'on a appelé le welfare state. Vous n'êtes pas dans le studio, mais ça s'appelle l'état-providence, ou l'état du bien-être, si vous voulez. En français. Ça me convient très bien. Donc, on parle des émeutes anglaises, je me suis permis cet écart. Non. Vous le pardonnerez et ce sera le seul. Donc, effectivement, cet état d'assistance qui suppose des ressources extrêmement importantes verra son terme. Et comme on a mis par cet argent, par ce déversement prodigieux d'argent, le couvercle sur la marmite, il y a lieu de penser donc que la marmite va continuer de déverser ses difficultés, et elles sont nombreuses. Donc ça, c'est le premier lien, je voulais le saluer, sur les réactions des auditeurs. J'ai également noté celle qui touche la question démographique par le biais de l'allusion à Alfred Sauvy. La question démographique, en effet, est une question intéressante, parce que c'est somme toute la seule science, la démographie, qui soit à peu près pendant une période limitée dans le temps, à 40 ou 50 ans, mais enfin qui soit dans une période assez longue, la seule science humaine exacte, mathématique. Or, ce que nous savons donc, c'est qu'en 1800, nous avions environ 100 millions de Noirs, pour rester sur le sujet de l'émission, et environ 280 à 300 millions de Blancs. Vous dites sur toute la planète, hein, pas en Europe. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, nous savons également que, approximativement, les populations sont comparables, 1 milliard de Blancs, 1 milliard de Noirs environ. Mais nous savons également que la dynamique démographique fait que en 2050, nous aurons entre 2 et 2,4 millions de Noirs pour 0,9 milliards de Blancs, un petit milliard, légère décroissance, et à la fin du siècle, les démographes estiment la population noire probable à 3,5 milliards contre 0,8 milliards de Blancs. On passe donc d'une situation d'un rapport où nous avons 3 Blancs pour un Noir à un rapport probable 3 siècles après où nous aurons 4 Noirs pour un Blanc. Et évidemment, si on ne tient pas compte de cette dimension absolument centrale, il est très difficile après d'analyser les conséquences. Voilà, ça c'est vraiment le point de base. Remarque démographique quand même, Philippe Milliot, ou remarque géographique, c'est vrai, mais l'Europe est beaucoup plus petite que l'Afrique. Oui, et c'est tout à fait juste. Et alors je ferai là une petite parabole si vous m'y autorisez. Et si on doit questionner dans la rue quelqu'un et si on lui dit, écoutez, l'Afrique c'est le continent de qui ? La réponse à peu près spontanée sera en général, c'est le continent des Noirs. Et si l'on questionne dans la rue, mais voyons, l'Europe, c'est le continent de qui ? Vous aurez un grand blanc, c'est le cas de le dire, car la réponse, c'est le continent des Blancs, est une réponse maintenant éventuellement difficile à prononcer. Alors vous retardez un peu, cher Philippe Milliot, parce que je vous signale que dans le langage politiquement correct, on ne dit plus l'Afrique noire, on dit l'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à refuser cette dérive. D'ailleurs, on pourrait aussi dire l'Asie jaune pour la partie de l'Asie à l'extrême-orient, oui, qui est peuplée de peuples, oui, de race jaune. La Chine, le Japon, la Corée, le sud-est asiatique constituent, oui, une Asie jaune qu'on pourrait, puisqu'on dit l'Afrique noire, je ne sais pas pourquoi on ne dit pas aussi l'Asie jaune. Mais en tout cas, l'Afrique subsaharienne est une expression nouvelle qui est due à la peur d'employer une expression à connotation raciale. Tout à fait. Alors, une troisième considération après les deux premières, c'est que nous sommes dans le continent des Blancs, aussi bien dans les émeutes en France il y a 5 ans que dans les émeutes raciales, car ce sont des émeutes raciales, effectivement, anglaises il y a quelques jours. Nous sommes dans une probabilité, une virtualité de leur développement. Et là encore, si on prend un peu de chance, si on regarde les choses, on a des expériences, tout ça n'est pas complètement nouveau. On a plusieurs expériences. On a l'expérience des États-Unis et d'une cohabitation multi-ethnique de long terme. Et voilà tout de même un pays qui a 2,5 millions de prisonniers. Et dans ces 2,5 millions de prisonniers, on s'aperçoit que 10% des Noirs, ça fait considérable comme proportion, sont ou ont été prisonniers aux États-Unis. On a donc un comportement qui est difficultueux et on peut en inférer quand on le rapproche du comportement que l'on observe au Brésil, que l'on observe dans un certain nombre de zones où il y a des populations non homogènes au contact les unes des autres, on a effectivement une situation de équivalence, multiculturalité égale multiproblème, multiproblématique, multiproblème de sécurité, mais également toutes les conséquences sociales et les perturbations que nous connaissons. Donc là, on sait déjà, je veux dire, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, puisqu'on sait. Quand Enoch Powell le disait il y a 50 ans, il prévoyait ce qui allait se passer, il avait raison. Ah non, mais il prévoyait des solutions pour que ça n'arrive pas à son pays. Parce que les équilibres mondiaux sont une chose, mais l'Angleterre est une toute petite partie de la surface du globe. Elle peut parfaitement, elle aurait pu parfaitement, si la politique avait été différente, être à l'abri de ces débordements migratoires. Absolument. Alors, ça appelle une question qui, somme toute, doit comporter une réponse. Est-ce que l'on peut aujourd'hui dire qu'une solution est envisageable, qu'elle soit celle de l'assimilation dont on voit bien qu'elle est à un certain niveau de population totalement inapplicable et factice, que ce soit celle de la vie rapprochée de plusieurs communautés sur le même sol, dont on voit bien qu'elle est absolument ingérable, insoutenable, et qu'elle crée la perdition des nations et des familles, enfin de tout esprit de vie de société. Est-ce qu'il y a donc une solution autre ? Oui, cher Philippe Mignot, elle figure déjà dans ce même discours d'Enoch Powell auquel je reviens toujours. C'est ce qu'il appelle la réémigration. Donc ça va en fait au-delà de la formule dite du retour des immigrés dans leur pays d'origine, alors qui peut être le pays d'origine de leurs ancêtres quand il s'agit d'immigrés de la troisième génération. Parce qu'en fait, la réémigration n'implique pas forcément que l'immigré inassimilable ou les populations immigrées inassimilables soient rapatriés. Ils peuvent partir pour autre chose. Un immigré venu du Zaïre peut aller au Niger. Hein. Pour la France, ça ne fait pas de différence. Voilà. C'est une réponse qui convient parfaitement. Alors nous appelons, nous, cela, chez les identitaires, remigration, mais somme toute, c'est assez voisin. Ah bah, réémigration, c'est le décalque de l'expression re-immigration en anglais. Donc, clairement, en tout cas, dans les orientations et le programme que les identitaires développent, nous disons effectivement... Alors les identitaires, excusez-moi, c'est le bloc identitaire, parce que j'estime que le bloc identitaire n'a pas le monopole de la référence à l'identité, bien sûr. Que ce terme d'identité est un terme beau, qu'il ne faut pas laisser à un parti, quel qu'il soit, aussi honorable soit-il, bien sûr. Et donc, je crois que toute personne qui aime sa patrie doit se dire identitaire. Voilà. Bon, alors le bloc identitaire signifie, par son nom, le nom qu'il a choisi, signifie qu'il place la défense de l'identité au premier plan de son combat politique, c'est une chose. Et pour autant, vous n'êtes pas les seuls à être identitaires, et vous n'êtes pas les seuls à incarner la défense de l'identité. Est-ce que je puis vous dire que je m'en réjouis tout à fait ? Voilà. Bon, donc pour parler effectivement des identitaires et plus précisément de la formation bloc identitaire, nous disons clairement, nous affichons qu'il ne s'agit pas de ralentir les flux migratoires, qu'il ne s'agit pas de faire une immigration zéro qui est une utopie totale, mais nous affichons clairement qu'il s'agit par tout moyen utile, pacifique, par tout moyen de partenariat, par tout moyen d'aide au retour, par tout moyen éventuellement, si l'histoire passe un plat moins agréable, par tout moyen de contraintes éventuelles, mais en tout cas qu'il s'agit bien, en toute hypothèse, d'envisager les conditions d'une remigration massive et non pas de faire décroître l'augmentation. Non, non, bien sûr. Alors écoutez, là vous allez un peu plus vite que la musique de mon émission, parce que j'aurais voulu que les solutions, nous en parlions à la fin de l'émission. Mais c'est vrai, vous voulez intervenir aussi sur ce sujet. Et je dirais après vous que l'immigration, c'est au fond une opération algébrique, c'est-à-dire que c'est une différence entre des entrées et des sorties. Oui. Et quand on parle d'immigration zéro, ou bien on pense qu'il n'y aura aucune entrée, ce qui est quand même une limite. Ou bien on veut dire simplement que le nombre des immigrés qui arrivent est égal au nombre des immigrés qui partent. Donc, moi je suis d'accord, et je crois que vous l'êtes aussi, avec Nicolas Sarkozy sur un point, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'immigration zéro. Mais lui, il veut l'immigration positive, c'est-à-dire qu'il veut plus d'immigrés qui rentrent que d'immigrés qui partent. Et nous, vous et moi, et peut-être Laurent-Arthur Duplessis, peut-être Jacqueline, nous voulons l'immigration négative, nous voulons que la X moins Y soit négatif, c'est-à-dire qu'il y ait plus... Que le solde s'inverse. Que le solde s'inverse. Absolument. Et que, puisque ça se produit actuellement dans un sens, il faut modifier la législation de telle manière que le solde s'inverse tout naturellement, et ensuite on peut aider à cette inversion du solde. Et c'est la seule manière, je le dis maintenant, puisque, encore une fois, vous avez pressé le mouvement vers la solution, mais nous reviendrons ensuite sur l'analyse. Ceux qui pensent que ce n'est pas possible confondent deux niveaux d'analyse. D'une part, ce n'est pas possible avec la majorité actuelle. Ce n'est pas possible avec la classe politique actuelle. Mais c'est possible, en fait, très facilement. C'est possible sans difficulté immense, et à condition d'étaler ça sur plusieurs années, dans des conditions humaines. Et c'est l'association Voix des Français, que j'ai l'honneur de présider, veut régler le problème de l'immigration dans des conditions humaines, à condition d'y prendre le temps et à condition de modifier la législation. Il n'y a pas de difficulté particulière à inverser les flux migratoires, c'est-à-dire à faire de la ré-émigration. J'ai d'ailleurs décrit, très résumé, dans un article de La Voix des Français, ce qu'il fallait faire en l'occurrence, et de manière d'ailleurs très pratique, c'est en imaginant que Philippe Milliot, par exemple, ou Arnaud Guyon soient élus président de la République, ou alors Arthur Duplessis, que devrait-il faire pour aller vers le règlement de la question de l'immigration ? Et je dis qu'il suffit en fait de deux référendums. Un référendum pour que la France retrouve sa souveraineté et puisse légiférer en la matière, et un autre référendum qui changerait sur plusieurs points essentiels, et pas seulement sur le droit de la nationalité, le droit de l'immigration. Simplement, pour l'instant, la volonté politique n'y est pas, et elle n'y est pas parce que nous subissons la férule d'une utopie égalitaire qui prend la forme du cosmopolitisme, qui nous interdit de parler librement de la question. L'antiracisme, la législation antiraciste et l'antiracisme en général sont des instruments, des armes de destruction massive de l'identité nationale. Je pense que Philippe Milliot, vous êtes d'accord sur ce point. Oui, je voudrais appeler également l'attention, non seulement sur le fait que je sois d'accord, ce qui réjouit sûrement nos auditeurs, mais au-delà de cet accord entre nous deux, qu'il y a des choses, c'est une raison, je crois, d'optimisme, qui bougent. Qu'est-ce qui bouge ? Le consensus qui est en train de s'établir dans les avant-gardes intellectuelles, je pense à des gens aussi différents que Régis Debray ou Dominique Vénère, qu'Hervé Juvin ou même Gérin, député communiste. Je pense à des gens aussi différents que, je ne sais pas, Alain de Benoît ou Chivardi, candidat Trotsky. Enfin, on est vraiment dans tous les lieux de l'échiquier idéologique ou politique. Des consensus sont en train de se dégager sur le fait qu'il n'est pas possible de continuer dans la situation actuelle. Que cette situation, s'il n'est pas remédié par les voies que vous indiquez, ou d'autres, mais en tout cas du même ordre, et s'il n'est pas remédié en profondeur à ces voies, la situation ira en se dégradant d'une façon telle que les solutions, au lieu d'être démocratiques, pacifistes, organisées, correctes et humainement acceptables, se feront dans le chaos, la destruction et la... Alors, cher Philippe Milliot, je ne crois pas que nous puissions arriver à un consensus très grand avec un trotskiste comme Schivardi, qui, par définition, est tout à fait contraire aux principes auxquels nous pouvons tous croire dès que nous aimons notre identité et notre patrie, ou nos patries, si on parle aussi des patries locales. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Non, c'est vraiment un combat, et là je diverge peut-être de vous, de la droite contre la gauche de tous les partis. Je ne crois pas que nous divergions autant que ça. J'ai cité quelque chose en vrac, donc je ne veux pas défendre mon inventaire à la Prévert. Mais écoutez, je veux simplement dire que de tous les horizons, y compris les plus surprenants, viennent maintenant des petites touches, des petites notes, du vocabulaire, un emploi des thématiques qui sont différentes de celles auxquelles on s'attend. Merci. C'est tout ce que je veux dire. Merci Philippe Biot. Une phrase de conclusion pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Écoutez, une phrase de conclusion, oui, c'est que le 21e siècle sera identitaire ou ne sera pas, en tout cas concernant l'Europe, la race blanche et notre pays. Eh bien, merci. Je rappelle que vous êtes membre du bureau directeur ou exécutif, plutôt, du bloc identitaire. Merci, Philippe Milliot. Merci à vous. Au revoir. Alors, revenons à ce sujet de la race. J'ai dit qu'il était beaucoup plus difficile de parler de la race que de l'islam, parce que il y a deux raisons évidentes. Hein. La première raison, c'est que l'islam étant un système socio-politique, on peut le combattre, ou en tout cas on peut le critiquer ses conséquences, comme on peut critiquer les conséquences du marxisme ou du communisme. Et on peut même dire, d'ailleurs, que les malheureux musulmans sont victimes de leur religion aliénante. Ils sont aliénés par leur système religieux. Bien. Donc, attaquer l'islam, ce n'est pas du tout attaquer les musulmans. En revanche, parler de la race, c'est risquer d'être accusé de faire du racisme au mauvais sens du terme, c'est-à-dire de diffuser la haine raciale, ce qui n'est évidemment pas dans votre intention ni dans la mienne. Ce que nous voulons dire, c'est que les peuples ont le droit de préserver leur identité et qu'il ne faut pas créer des situations par irresponsabilité qui non seulement compromettraient d'ailleurs notre identité, mais compromettraient notre paix sociale, notre paix civile, des situations qui aboutiraient tôt ou tard à la guerre civile. Et justement, je vois que... Arthur Duplessis. Je vois que Philippe Millot est aussi sur cette ligne de pensée que j'exprimais tout à l'heure, c'est que il va intervenir dans le débat la raréfaction des ressources économiques et financières. Les leaders politiques, les partis politiques ne sont... Les quoi, pardon ? Les quoi ? Les chefs politiques. Et les partis les dirigeants politiques ne seront pas les seuls acteurs dans ce système en évolution. Il y aura aussi les classes moyennes, notamment, puis les classes populaires, confrontées de plus en plus à une raréfaction de l'emploi, à une raréfaction des aides sociales et qui est donc, de manière générale, à une raréfaction des ressources économiques et financières. Donc, il va y avoir une concurrence accentuée sur ces ressources. Or, il se trouve, et Jean-Paul Gourevitch l'avait montré dans ses travaux sur ce que nous coûte l'immigration en France, il se trouve que, d'après ses calculs, le solde migratoire de l'immigration en France est négatif de 30,4 milliards d'euros. Négatif de 30,4 milliards d'euros. C'est le coût d'immigration. Oui. Et Gourevitch a pris des estimations basses, hein, parce qu'on pourrait estimer que c'est quand même beaucoup plus que ça, mais bon, 30,4 milliards d'euros. Comment peut-on se permettre, dans une période de vache maigre dans laquelle nous entrons actuellement, comment peut-on se permettre d'endurer un surcoût pareil ? C'est impossible, et il se trouve que justement, on assiste actuellement en France et en Europe à une révolte des classes moyennes contre ce joug économique et ce joug, en quelque sorte, identitaire. Alors, si les élites politiques qui tiennent encore pour quelque temps les rênes en Europe, mais je pense pour pas si longtemps que ça, ne règlent pas ce problème, justement, par des procédés pacifiques, eh bien, hélas, il va se produire des chocs extrêmement violents en Europe, des chocs interethniques extrêmement violents. Et il est certain qu'il sera à ce moment-là opportun d'instruire le procès des élites en place actuellement qui n'auront pas su éviter ces chocs violents. Alors, Laurent-Arthur Duplessis, tout à l'heure, un auditeur de Radio Courtoisie citait Raymond Carthier. Effectivement, il faut rendre justice à ce grand journaliste, car tous les journalistes ne sont pas mauvais. Il n'y a pas seulement le roi Arthur Duplessis à défendre le beau, le bien et le vrai. Il y avait aussi autrefois Raymond Carthier, qui est plus connu pour ce qu'on a appelé le cartierisme, selon la formule plutôt corrèze que zambèze. C'était une critique de l'aide au tiers-monde. Mais qui a aussi étudié la question noire, le problème noir, comme il disait aux États-Unis, et qui a lancé des cris d'alarme, comme Enoch Powell, en France, lui, dans les années 1960. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais 15 ans, et je lisais les articles de Raymond Carthier, qui m'avaient beaucoup impressionné. Il annonçait, déjà à l'époque, et il parlait d'une immigration africaine, mais aussi d'une immigration antillaise, de nationalité française, d'origine, qu'il disait, nous allons avoir un problème mort en France, comme aux États-Unis, si nous n'y prenons garde. Alors, j'ai envie quand même, à ce stade, et les auditeurs de Radio Courtoisie m'en voudraient de ne pas faire cette citation qu'il faut réciter comme la prière du matin, vous la connaissez bien sûr, mais on ne la dit jamais assez. C'est la citation du général de Gaulle en 1959. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. C'est une citation qu'on trouve dans À la perfide, c'était de Gaulle, tome 1, édition de Fallois, Fayard, 1994. Alors, je signale à l'auditeur qui voudrait me reprocher de citer le général de Gaulle, ce qui est régulièrement le cas, parce qu'il y a des anticolistes qui nous écoutent, que ce qui compte, ce n'est pas, après tout, qui le dit, mais c'est que ce soit vrai. Et que si le général de Gaulle, que vous avez le droit de ne pas aimer, a dit une chose aussi vraie, il faut le prendre en considération. Je pense que c'est important de savoir qui le dit quand même, parce que justement, de Gaulle apparaît comme une grande figure de la lutte anti-nazie de la Deuxième Guerre mondiale. Et je dirais que personne ne songe pour l'instant encore à le ranger dans le camp des dictateurs extrémistes. Et au contraire, il est labellisé, si je puis dire. Non, vous pouvez pas, non, c'est de l'anglais. Il est certifié comme étant un défenseur de la démocratie. Et c'est justement important que lui, ce défenseur de la démocratie, qui a fait sa carrière politique, qui a lancé sa carrière politique, on peut dire, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale et de la lutte anti-nazie, que lui dise que nous sommes un peuple de race blanche. Absolument. Mais vous savez, il y a un très grand nombre de citations qu'on peut faire de beaucoup d'auteurs de la 3e et de la 4e et de la 5e République. Et quand on voit ce qu'ils ont dit et ce qu'on n'ose pas dire aujourd'hui, on se rend compte à quel degré d'asservissement moral nous sommes réduits. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à Radio Courtoisie qu'on puisse faire ce genre de citation. Personne ne cite ailleurs cette phrase du général de Gaulle, hein, ces phrases du général de Gaulle. J'ai d'ailleurs une pensée, excusez-moi au passage, pour Henri Tizot qui vient de nous quitter, qui était un très bon imitateur et qui imitait le général de Gaulle mieux que je n'ai pu le faire. Mais c'était pas mal quand même. Ah, vous êtes trop gentil, vous voulez être réinvité. Dites-moi alors, Laurent-Arthur Duplessis, je vais vous poser une devinette, ainsi qu'à Jacqueline et aux auditeurs de Radio Courtoisie, mais qui n'auront peut-être pas le temps de réagir, vous avez donné les réponses avant. Qui a dit, en 1991 ? Avoir des Espagnols, des Polonais, des Portugais travaillant chez nous, ça pose moins de problèmes que d'avoir des musulmans et des Noirs. Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne... Alors c'est un français approximatif, donc ça vous donne déjà une indication. Et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entassé une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, le travailleur français sur le palier, il devient fou. Et ce n'est pas d'être raciste que de dire cela. Fin de citation. Jacques Chirac. Exact. Vous avez gagné. Jacqueline allait le dire. C'était à Calais, le 22 février 1991, et c'était Jacques Chirac. Et Jacques Chirac a eu une autre phrase. C'était beaucoup plus tôt. Même alors là, ce n'était pas de lui, car il n'a jamais rien écrit. C'était toujours écrit par ses collaborateurs. Mais il a publié, il a signé un article du Monde du 15 juillet 1983, où il a dit ceci. Le seuil de tolérance est dépassé dans certains quartiers, et cela peut risquer de provoquer des réactions de racisme. Fin de citation. Alors, ce qui est important, c'est cette notion de seuil de tolérance. Et, que Mitterrand avait évoqué alors aussi. Que Michel Massenet, qui à l'époque, en 1970, était directeur de la population et des migrations, avait ainsi déclaré devant l'Académie des sciences morales et politiques, je cite, « Les seuils à partir desquels la population d'accueil se ferme à la population étrangère » et risque de lui manifester plus que de l'indifférence, ont pu faire l'objet de mesures empiriques, fin de citation, et il évoquait un seuil de 20% d'étrangers à l'école, de 10 à 15% dans les immeubles. Cette notion de seuil de tolérance, en fait, est une notion sociologique qui a été élaborée par une école de sociologie de gauche. Dans les années 1920, c'est l'école dite de Chicago, l'école des sociologues de Chicago, ne pas confondre avec l'école des économistes de Chicago. Et le chef de file était un certain Robert Park, mort en 1944, qui n'a pas employé l'expression « seuil de tolérance », elle a été lancée dans les années 1960 par un autre savant, le politologue Grotzin, mais peu importe. En anglais, c'est « tipping point », mot à mot, c'est le point de basculement, « tipping point ». Et ça a été traduit en général par « seuil de tolérance ». Effectivement, François Mitterrand, lui aussi, a parlé de seuil de tolérance à plusieurs reprises, et notamment une fois, le 10 décembre 1989, il a parlé de la trop forte concentration géographique des étrangers, ajoutant « Le seuil de tolérance a été atteint dès les années 70, où il y avait déjà 4 100 000 à 4 200 000 étrangers. Alors, qu'est-ce que c'est que le seuil de tolérance du point de vue scientifique ? C'est le seuil à partir duquel, lorsque les choses se passent spontanément, le quartier se vide de sa population autochtone devant l'afflux des immigrés. Alors, en pratique, ça a été étudié à Chicago, dans la ville de Chicago. C'est la fuite des Blancs. Alors, je vais te faire une citation en anglais, la fuite des Blancs, parce qu'en anglais, ça sonne mieux. Vous voyez ce que c'est ? C'est White flight, white la fuite flight. Des Blancs. Dans une rue, il n'y a pas un seul noir. Un premier noir arrive, tout va bien. Un deuxième noir arrive, tout va bien. Et à partir de 10 ou 15%, on observe. Hein, c'est scientifique, quasiment. On observe. Mais c'est pas quasiment, c'est scientifique. On observe qu'effectivement, la rue se vide de ces Blancs et qu'elle devient entièrement noire. C'est comme ça que le quartier de Harlem, qui au début du 19e siècle était purement blanc, est devenu aujourd'hui purement noir. Et que les Blancs n'y vont pas, ou alors avec des cottes de mailles, ou dans avec toutes sortes de précautions. Bien, ça s'appelle le seuil de tolérance. C'est un phénomène sociologique qui produit naturellement la ségrégation urbaine. Alors le point important, et c'est ça, c'est pour ça que d'ailleurs que, du point de vue scientifique, les émeutes de Tottenham et d'ailleurs sont passionnantes, si j'ose dire, pour ces drames qui ont eu lieu là-bas, et dont beaucoup ont été victimes, c'est que ça démontre que la politique de mixité raciale qui repose sur la négation du seuil de tolérance, qui est appliquée en France depuis la loi SRU, la seconde loi Guesso de décembre 1990, mais qui est appliquée en Angleterre depuis plus longtemps, depuis plus de 20 ans, n'apporte aucune solution réelle. En Angleterre, on a décidé, après les premières émeutes raciales des années 1980, de refuser ce qu'on appelait les ghettos urbains, c'est-à-dire les quartiers purement mono-ethniques, mono-raciaux, où il n'y avait que des Noirs, ou que des Pakistanais, ou que des Indiens. Et donc, systématiquement, la politique de toutes les collectivités, l'État, les communes en Angleterre, a été depuis plus de 20 ans de mélanger systématiquement les populations des races ou d'ethnies différentes. Et ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on voit que Tottenham, le quartier où a éclaté l'émeute, n'est pas un quartier misérable. Donc l'explication par la misère est absurde. C'est un quartier mixte où il y a beaucoup de Blancs qui sont ce que j'appelle au choix les bobos, les gogos, les cocos, qui ont estimé que c'était très bien d'aller habiter dans un quartier ethnique et qui sont aujourd'hui victimes, par justice immanente, de leur utopie cosmopolite. Ils se sont mis en quelque sorte dans un guépier qui se trouve dans une situation extrêmement difficile parce que la cohabitation sera très difficile à retrouver. Il sera très difficile pour eux de retrouver une cohabitation pacifique dans ces territoires où les bandes criminelles jamaïcaines semblent avoir établi leur domination, quoi que fasse la police britannique, qui n'est pas très, très audacieuse et qui a reçu des instructions très strictes d'éviter les accusations de racisme. Donc, la mixité raciale pratiquée en Angleterre est un échec total. On le voit, ça aboutit à ce que l'on voit aujourd'hui. Et je crois qu'il faut en tirer la conséquence. Ni la politique d'intégration à la française, ni la politique qui reposait à l'origine sur la liberté, et donc en fait, en pratique, sur des constitutions de zones de non-droit et de ghettos urbains, ni la politique de communautarisation avec ou sans mixité raciale à l'anglaise ne peut aboutir à une cohabitation durable et pacifique entre des populations qui ne s'assimilent pas les unes aux autres. Oui, et effectivement, je ne suis pas très optimiste, moi, sur les capacités de réaction des élites qui nous gouvernent actuellement. Il faut en changer. Et c'est la rotation des élites qui permettra... Sortez les sortants, c'est la rotation des élites qui permettra effectivement de mettre sur pied les dispositifs législatifs, réglementaires et autres nécessaires à ce que Philippe Mignot appelait la rémigration, c'est ça là. Philippe Mignot l'appelait, mais d'abord Enoch Powell, traduit par mes soins, c'est réémigration. Réémigration. C'est-à-dire l'immigré a émigré de chez lui, et on lui propose d'émigrer une seconde fois. Voilà. Il répète son émigration, voilà. Il recommence à émigrer, mais il peut regagner son pays d'origine, ou il peut aller vers un troisième pays. Alors, je pense que la réémigration serait également catalysée, et le sera de toute façon inéluctablement, par le fait que, comme les États-providence ne pourront plus servir les prestations qu'ils servaient jusque-là, qu'ils servent encore, beaucoup de populations immigrées vont réémigrer, pour la bonne raison qu'elles ne trouveront plus en France et dans bien d'autres pays européens aussi, mais la France, évidemment, est championne des transferts sociaux, donc ne trouveront plus la manne... L'Angleterre n'est pas mal non plus. Hein. La manne des prestations sociales que souvent ces populations sont venues chercher. ce que Gourevitch appelait, alors je vais traduire ça en français parce qu'il employait un terme anglais, le marché migratoire. Alors, je rappelle que Gourevitch est l'auteur de plusieurs études publiées par contribuables associés et que Laurent-Arthur Duplessis, ici présent, donc journaliste, est également le directeur des publications de l'association Contribuables Associés. Et on peut commander ses études sur le coût de l'immigration et sur l'immigration en général. Enfin, il y a toute une série d'études de Gourevitch et d'autres. C'est Jean-Claude Gourevitch, je crois. Hein. Jean-Paul Gourevitch. Jean-Paul Gourevitch, chez l'association, à l'association Contribuables Associés. Et alors, Jean-Arthur Duplessis. Et alors, effectivement, ce marché migratoire qui fait que la France est la destination numéro un des immigrés qui viennent chercher, évidemment, les prestations sociales surabondantes que, versées par nos impôts, ce facteur... Alors, écoutez, nous sommes débordés par les messages, mais nous n'allons pas nous laisser déborder. Alors, nous allons faire une chose, Jacqueline. Nous allons lire pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Nous allons lire tous les messages à la file, sans vous interrompre. Et Laurent-Arthur Duplessis et moi, nous répondrons de manière très sommaire. Et je regrette si nous ne pouvons pas répondre à tous les messages. Au moins, ils seront lus et ce sont souvent des remarques. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Et oui, c'est bien une radio libre. Et c'est pour cela que nous avons le droit de dire ce que nous disons. Mais nous ne pouvons le dire que parce que vous nous aidez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que vous nous aidez à vivre et à nous développer, et songez que sans vous, nous n'existerions pas, nous n'avons pas d'autres ressources que celles que vous voulez bien, gracieusement, nous donner par vos dons ou vos cotisations, dans la mesure où vous pensez que, quels que soient les défauts inhérents à toutes nos émissions, évidemment, nous sommes quand même les seuls à nous tenir droit devant l'adversité que subit notre patrie. Alors, une auditrice, pourriez-vous nous dire, hic et nunc, qu'il existe une puissance mondiale qui a décidé de détruire l'Europe, vecteur de toutes les activités, de toutes les évolutions, en utilisant pour ce faire le développement, l'expansion des populations noires. Les Français et les Anglais sont des colonisateurs colonisés. Déjà en 1900, la race blanche était en régression. Aujourd'hui, la race noire domine le monde par le nombre. Un auditeur, la race humaine n'est pas supérieure, elle est différente, mais c'est une race biologique comme les autres. Dire que l'immigration zéro n'est pas possible est faux, car j'étais dans un pays étranger et ayant perdu mon emploi, je n'ai eu aucun secours ni ressources, ce qui m'a fait rentrer en France. La France ose le AAA, pas parce qu'elle s'en sort bien, mais parce que nous sommes les seuls à devoir payer de plus en plus d'impôts au gré des caprices de nos dirigeants pour sauver la face. C'est un autre sujet. Les mariages mixtes sont rares aux USA. Et aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui, aux États-Unis, pardon, et interdits en Israël. Concernant la phrase du général de Gaulle, il a dit aussi « De Dunkerque à Tamanrasset, c'est la France. Vive l'Algérie, vive la France. Résultat, sa Ve République nous a mis dans un bourbier dont nous savons plus comment en sortir. » Alors écoutez, nous allons nous arrêter là parce que je voudrais que nous répondions aux questions que nous avons déjà. Alors les mariages mixtes sont rares aux États-Unis et interdits en Israël. Alors pour l'État d'Israël, c'est un fait qui est trop méconnu et qui est assez amusant. Il n'y a pas de loi directe qui interdise les mariages mixtes entre les juifs et les non-juifs, par exemple entre les juifs et les arabes. Mais c'est très simple. Il n'y a pas de mariage civil en Israël. Il n'y a que le mariage religieux. Donc, un juif... Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un registre de la population et que tout citoyen israélien, tout ressortissant israélien est enregistré dans le registre de la population selon son ethnie et selon sa religion. S'il est juif, il ne peut se marier que devant un rabbin. Mais attention, les rabbins réformés qui acceptent les mariages mixtes ne sont pas reconnus en Israël. Ce sont seulement les rabbins orthodoxes. Les rabbins orthodoxes n'acceptent pas qu'un juif épouse une non-juive, ou réciproquement. Donc en pratique, alors évidemment personne n'empêche le concubinage, mais le mariage est impossible en Israël entre un juif et un non-juif. Et voilà, alors donc, bien entendu, lorsqu'on parle du racisme, il faut savoir de quoi on parle. La notion de peuple élu, qui est défendue par le judaïsme talmudique, est anti-universaliste, donc elle est raciste. Et j'ai cité l'autre jour une phrase d'un rabbin qui s'appuie sur le Talmud, qui explique que la différence entre les Juifs et les autres hommes est d'une nature supérieure à celle qui existe entre les autres hommes et les animaux. Pourquoi ? Ben c'est très simple. Parce que les Juifs sont les seuls à obéir à la Torah, la loi divine, alors que les autres hommes, qui ne sont pas juifs, qu'ils appellent par mépris les goyim, c'est aussi méprisant dans leur langage que youpin dans le langage des non-juifs, je vous signale, les goyim. C'est une insulte. Mais ils disent constamment les goyim. Eh bien, les non-juifs, les gentils, ou les, comme on dit dans la Bible, ou les païens, ou les nations, n'obéissent qu'à la loi de nature comme les animaux, et pas à la loi divine qui est la Torah. Et donc, l'écart est plus important. Alors, ce n'est même plus du racisme à ce stade, parce que c'est une question d'espèce carrément, puisque nous sommes ramenés au niveau des animaux, nous qui ne sommes pas juifs. Alors, dire que l'émigration zéro n'est pas possible est faux. Alors, je crois que cet auditeur n'a visiblement pas, ou cette auditrice n'a pas compris ce que nous disions. Nous avons dit que l'immigration zéro, qui consiste à dire que on peut arrêter totalement l'immigration n'est pas le sujet. Ce qu'il faut, c'est une immigration négative. Il faut qu'il y ait plus de sorties que d'entrées. Si l'immigration zéro, c'est l'arrêt total de l'immigration, c'est sans doute un cas limite difficile à atteindre. Si ça veut dire qu'il n'y a pratiquement plus d'entrées, c'est faisable et il faut le faire. Mais si ça veut dire qu'il y a autant d'entrées que de sorties d'immigrés, que le solde algébrique est égal à zéro, ça n'est pas, c'est possible, mais ça n'est pas souhaitable. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus de sorties que d'entrées. C'est ce que nous appelons, après Enoch Powell, la ré-émigration. Ensuite, un auditeur parle de la race humaine. Alors, c'est une expression littéraire, mais en termes biologiques, l'espèce humaine est une espèce, et non pas une race. C'est une espèce qui est divisée en plusieurs races. Les cinq grandes races humaines, ce sont les blancs, les jaunes, les noirs, et puis il y a deux races moins connues, qui sont la race Hottentote, dans le sud de l'Afrique, et la race australoïde, qui est celle des Mélanésiens, par exemple, et des aborigènes australiens. Voilà. Et donc, l'espèce humaine est divisée en races. Et quant à la puissance mondiale qui a décidé de nous détruire, elle s'appelle la superclasse mondiale. Ce n'est pas un complot d'un petit groupe, bien qu'il y a des petits groupes comme la trilatérale qui y participent. C'est une classe sociale dont Huntington a parlé dans « Qui sommes-nous ?», publié en France en 2008, juste avant sa mort. Le livre publié aux États-Unis en 2004, et cette superclasse mondiale, aujourd'hui, est le fait central de la vie politique mondiale. La superclasse mondiale a une idéologie dominante, qui est devenue la nôtre par contre-coup, puisqu'elle nous domine, elle surplombe les oligarchies nationales. Et cette utopie cosmopolite signifie que les nations doivent disparaître et que, comme vient de le dire Jacques Attali, il faut aller vers le gouvernement mondial. Mais il y a toutes sortes de tendances dans cette utopie cosmopolite. Le seul point commun, c'est que les identités nationales doivent disparaître parce que les identités individuelles sont purement dues à l'éducation et que rien n'est dû à l'hérédité et à l'enracinement. Laurent Arthur Duplessis, réponse aux questions. Oui, alors je suis tout à fait sur cette ligne huntingtonienne. Un personnage que je cite très volontiers dans mes livres, car je crois qu'il est véritablement un auteur majeur des dernières décennies, et je dirais qu'il est aux antipodes d'Auguste Comte. Les élites occidentales sont très imprégnées par la pensée d'Auguste Comte, qui est justement universaliste et qui prétend à une harmonie totale et globale de l'humanité par l'enrichissement global. Et Huntington a véritablement remis au goût du jour une pensée identitaire avec son Choc des civilisations de 1993 et puis son Qui sommes-nous de 2004. Et c'est un auteur, il me semble, extrêmement important qui a bien théorisé ces problèmes d'identité. Alors nous allons lire la chronique du courrier des auditeurs préparée par Françoise. Sur Huntington, un point quand même, son Qui sommes-nous est très bien, mais il y a un petit défaut. C'est qu'il n'ose pas poser la question essentielle, qui est la question raciale. Et Dieu sait si c'est important aux États-Unis. Pas seulement à cause des Noirs. Il n'a pas osé. Parce qu'il y a aussi les gens de race jaune. Les Hispaniques sont en fait hispaniques parce qu'ils parlent espagnol. Mais ils sont en fait des métis de race jaune. Et il y a les immigrés asiatiques qui sont de plus en plus nombreux et qui viennent souvent de Chine ou du Japon ou des Philippines, etc. Bon. Voilà. Je commence par... Non, c'est Jacqueline qui commence par une auditrice de Mareuil. De Mareuil sur l'Édyssée dans le 85. Non, le 85, c'est... Quoi ? C'est pas Marolles sur les 17. Oui, non, mais il faudrait mieux dire le nom du département. Si vous ne le savez pas, ne dites rien alors. Oui, voilà, c'est le 85 qui envoie 40 euros. Par hasard, je suis tombée sur une de vos émissions. Enfin, me suis-je murmurée, voilà de la vraie radio avec des gens qui se passionnent pour ce qu'ils font. Bravo, félicitations, on en redemande. Vous êtes devenus des amis et je suis une fidèle auditrice. Vos émissions musicales sont un vrai bonheur. Continuez. Un auditeur de Saint-Crépin, Ibouvillers, qui envoie 120 euros. Nous avons été touchés par l'appel au don de Didier Roy sur notre antenne, sur votre antenne. Vive Radio Courtoisie, qu'elle continue à nous rappeler qui nous sommes et ce que nous ne voulons pas devenir. Un auditeur de Clamart qui envoie 200 euros. Veuillez trouver 6 juin ma cotisation supplétive pour vous aider à passer l'été. Soyez remerciés pour tous les efforts que vous faites. Une auditrice de Paris dans le 18e arrondissement qui envoie 300 euros. Je suis seule. Je ne pars pas en vacances. Radio Courtoisie est ma seule compagnie d'infortune. Alors je réponds tout de suite à votre appel. Bon courage. Amitié à tous. Un auditeur de Paris 17e qui envoie 100 euros. Jamais de publicité, car c'est toujours du mensonge. J'ai pu vous écouter sur mon ordinateur portable pendant l'été en province. C'est formidable. Il n'y aura jamais de ressources publicitaires à Radio Courtoisie, je vous rassure. Radio Courtoisie, pour rester indépendant, ne dépendra jamais que de ses auditeurs et de la confiance de ses auditeurs, qui, j'espère, sera indéfiniment renouvelée, à condition, bien sûr, que nous fassions tout, cela, tout pour cela. Une auditrice d'Anières qui envoie 100 euros. Je ne vous dirai jamais assez merci pour le soulagement que vous nous procurez au milieu de cette société déboussolée. Grâce à vous, nous savons que nous sommes nombreux à désapprouver tout ce qui se passe. Voici ma petite obole. J'aimerais donner plus, mais j'ai ma mère à charge. Une auditrice de Rueil-Malmaison qui envoie 100 euros. Un petit soutien pour ma radio préférée. Douces pensées pour tous ceux qui vont nous tenir compagnie pendant ce long mois d'août. Bon courage et quel bonheur pour moi, puisque vous avez le mérite d'exister. Un couple d'auditeurs de Villebon-sur-Yvette qui envoie 300 euros. 6 juin de dons pour vous aider au bon fonctionnement de cette merveilleuse radio. Bon courage à toute cette équipe pendant cette période de congé. Un auditeur de Paris 18e qui envoie 45 euros. Devant la nécessité de sauver et de conserver notre chère radio, je vous prie de bien vouloir trouver 6 juin un chèque pour le règlement du complément de ma cotisation. Bien à vous et de tout cœur. Un auditeur de Bourg-la-Reine qui envoie 200 euros. Je réglais habituellement ma cotisation au mois de décembre, mois des étrennes, du solstice d'hiver et du Père Noël. Mais comme j'ai entendu et compris votre appel au peuple concernant la trésorerie de notre association en période estivale, j'ai décidé de régler ma cotisation de cette année au mois de juillet, avec tous les compliments et ma reconnaissance au patron des missions et aux bénévoles, y compris le trésorier. Très bon été 2011. Une auditrice de Paris 11e qui envoie 80 euros. Grand merci, votre intégrité est précieuse, surtout à préserver. Bien cordiale, salutations. Une auditrice de Châtenay-Malabry qui envoie 200 euros. Ouf ! J'ai failli oublier mon petit devoir de vacances. Voilà qui est réparé. Jacqueline. Ah oui, pardon. Un auditeur de Gretz-Armainvilliers. On dit bien le cardinal de Retz. Armainvilliers. Qui envoie 40 euros. J'ai entendu l'appel pressant de M. Didier Roy faisant état des difficultés financières de notre chère radio. Aussi, bien qu'ayant souscrit un prélèvement trimestriel de 30 euros en plus de mon adhésion, je vous prie de trouver ce chèque. Votre choix m'est trop précieux. Votre voix m'est trop précieuse. Au diable les resquilleurs et vive Radio Courtoisie. Alors je ne voudrais pas culpabiliser les resquilleurs, mais ils forment à peu près 98% des auditeurs de Radio Courtoisie, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2% des auditeurs, selon le calcul de notre trésorier Didier Roy, qui cotise ce qui fait à peu près 12 000 personnes. Une auditrice de Garches qui envoie 100 euros. En ces temps difficiles, voici une petite aide pour que Radio Courtoisie continue de défendre nos valeurs nationales et la langue française. Et surtout permettre à notre beau pays d'exister. Merci pour toutes vos émissions, si enrichissantes. Un auditeur de Neuilly-sur-Marne qui envoie 50 euros. Je vous fais parvenir une bouée de sauvetage pour maintenir notre chère radio à flot et lui apprendre à nager. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et même pour ceux qui ne paient pas. Eh oui, ce sont les passagers clandestins de Radio Courtoisie qui sont, à vrai dire, l'immense majorité de notre auditorat, de notre auditoire plutôt, et j'espère que cette immense majorité sera un peu moins immense dans l'avenir pour que nous puissions développer la radio qui en a bien besoin. Nous sommes toujours à la recherche de ce développement. Et c'est pour cela que je vous signale que si vous avez donné votre adresse à Radio Courtoisie, eh bien, vous avez dû recevoir une lettre de moi qui est datée du 31 juillet, ce me semble, et qui vous parle du grand projet que nous avons actuellement, qui est en cours de développement. Nous avons passé un contrat avec un prestataire hautement qualifié qui est en train de développer le nouveau site de Radio Courtoisie qui permettra en particulier la diffusion à la demande. Expression que j'emploie et qu'il faut employer à mon avis plutôt que l'affreux balado-diffusion qui est la traduction officielle de l'anglais podcast. Diffusion à la demande, ce qui veut dire que par Internet, on pourra à tout moment écouter les émissions de Radio Courtoisie après qu'elles auront été diffusées de manière... c'est comme la vidéo à la demande, c'est la diffusion à la demande d'une émission de radio. Et le but aussi, et il nous faudra encore plus d'argent pour le faire, c'est de numériser les anciennes émissions, tout le fond de vieilles émissions que nous avons depuis 1987, date de la création de Radio Courtoisie. Et sous réserve, bien sûr, que les archives aient été conservées en bon état, nous allons tout numériser. Notre ambition est de tout numériser à terme. Il nous faudra plusieurs années et beaucoup d'argent pour le faire. Et le but sera de mettre en ligne, car Internet maintenant permet cela, et c'est prodigieux, et bien toutes ces émissions sont à la disposition, ou seront à la disposition des auditeurs et qui nous permettront donc d'accroître encore notre influence. Alors, comme le dit le couple d'auditeurs d'Ablon, Radio Courtoisie est un miracle permanent. La radio libre de toutes les droites et de tous les talents qui ne perçoit aucune subvention et qui refuse des ressources publicitaires ne vit, je le répète, que de vos dons et cotisations. Et donc, je remercie infiniment tous ceux qui nous aident, et en particulier tous ceux qui nous aident en nous envoyant un petit mot que nous lisons parfois à l'antenne, nous en avons trop pour pouvoir les lire tous, mais nous essayons de lire le plus possible de lettres, parce qu'elles nous touchent beaucoup, et parce qu'elles montrent bien que Radio Courtoisie est une grande famille. Et nous remercions beaucoup ceux qui nous aident pendant cette période de vacances. Didier Roy vous a dit l'autre jour, dans l'émission de Daniel Amiche, combien nous avions de difficultés pendant les vacances, parce qu'évidemment les gens envoient moins de chèques, et nous avons besoin d'un flux constant de chèques, d'argent, de virements, pour pouvoir payer nos charges qui sont importantes. Nous avons passé le mois de juillet avec difficulté parce qu'il y a les charges de l'URSSAF. Nos fins de mois sont toujours difficiles, et plus particulièrement la fin d'août qui arrivera bientôt. Donc je vous en supplie, envoyez le plus vite possible votre chèque. Répondez en particulier, si vous avez reçu ma lettre, à la lettre que je vous ai envoyée à propos de l'Internet et de la diffusion à la demande. Alors pour entrer dans la grande famille de Radio Courtoisie, on peut le faire par chèque adressé à notre secrétariat 61 boulevard Murat, Paris 16e, 75 016 Paris. Par Internet, via PayPal avec une simple carte bancaire, www.radiocourtoisie.fr, par prélèvement automatique sur simple demande écrite ou même téléphonée. Dans tous les cas, un reçu correspondant à vos versements vous sera adressé. La cotisation minimum est maintenue à 40 euros depuis plusieurs années pour permettre à presque tous d'adhérer à l'association, mais le montant minimum souhaitable est de 120 euros, ce qui est à peu près le montant de la redevance audiovisuelle. Si vous êtes imposable à l'impôt sur le revenu, vous pourrez déduire de vos impôts 66% du montant de votre don à Radio Courtoisie, par exemple 120 euros à Radio Courtoisie, grâce à la déduction fiscale, il ne vous en coûtera que 40 euros. Alors je voudrais, dans la minute qui me reste, remercier bien sûr mon invité Laurent-Arthur Duplessis, remercier la charmante Jacqueline et remercier Benoît et faire une ou deux annonces. Je voudrais annoncer... Je peux dire un mot? Non, non, vous n'avez pas le temps de dire un mot. Trois mots. Non, vous n'avez pas le temps de dire un mot, je suis désolé. Non. Je ne reste qu'une minute. Donc, je voudrais annoncer les 41e journées Chouanne à Chiré en Montreuil dans les locaux de diffusion de la pensée française qui seront les premières sous la responsabilité de François-Xavier Hautefeuille qui auront lieu le samedi 3 et le dimanche 4 septembre 2011, donc à Chiré en Montreuil. Je voudrais annoncer aussi, l'université d'été 2011 du centre Charlier qui a lieu dans le Bordelais le dimanche 21 août et on peut s'inscrire donc au centre Charlier au 01 40 51 74 07 01 40 51 74 07 ou à chrétientésolidarité.fr@gmail.com.